Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Tout commença par un enlèvement, celui d'Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte, par le Troyen Paris. Et cela faisait maintenant presque 10 ans que les Achéens, venus reprendre Hélène à son ravisseur, affrontaient les Troyens devant leurs murs. Parmi les femmes enlevées comme butin de guerre, le roi a choisi la belle Chryséis, fille de Chrysès, prêtre d'Apollon. Le père réclama vengeance à son dieu. Alors la peste s'abattit sur l'armée achéenne. Pour sauver ses soldats, Agamemnon n'eut d'autre choix que de rendre Chryséis aux siens. Mais un roi ne se laisse pas ainsi déposséder. Et en contrepartie, il ordonna à Achille de lui livrer sa propre femme, Briseis. Achille était le plus valeureux des soldats grecs, le plus colérique aussi. Sa rage fut telle qu'il décida de cesser dorénavant de combattre aux côtés des Achéens et se retrancha dans son campement. Depuis ce jour, des centaines de soldats étaient tombés dans la plaine séparant les navires achéens des remparts de Troie. Le sage Nestor a fait construire un mur et creuser un fossé tout autour du camp des Achéens en guise de protection. Mais la soif de vaincre d'Hector est telle que pour la première fois depuis le début de la guerre, au lieu de ramener son armée derrière les murs de Troie pour la nuit, il l'a fait camper là, devant le fossé, troublant le sommeil de ses ennemis. 5e épisode. Diomède, Ulysse, Patrocle. Nous dormions tous, près de nos navires, vaincus par la fatigue. Mais Agamemnon, lui, veillait. Il continuait à réfléchir, et plus il réfléchissait, plus son cœur tremblait dans sa poitrine. Il regardait la plaine de Troie, et ce qu'il voyait, c'était les feux des Troyens qui brûlaient par centaines. Ils étaient tellement près que tu pouvais entendre les voix des soldats et le son des flûtes et des pipeaux. Ainsi, il se leva, Agamemnon, avec l'angoisse dans le cœur. Il s'habilla, mit sur ses épaules une peau de lion fauve, longue jusqu'aux pieds, prit sa lance et alla à la recherche de Nestor. Il aurait peut-être une idée pour sortir de ce piège. C'était lui le plus vieux, le plus sage. Ils trouveraient peut-être ensemble un plan pour sauver les Achéens. Il partit à sa recherche. Dans le noir, c'était la nuit. Il rencontra son frère, Ménélas. Lui non plus n'arrivait pas à dormir. Il marchait de ci, de là, effrayé, pensant à la souffrance à laquelle il avait condamné, lui, tous les Achéens. Ils se regardèrent, les deux frères. « Que fais-tu ici, réveillé et armé en plus ?» demanda Ménélas. « Cherches-tu quelqu'un à envoyer dans le camp des Troyens pour espionner leurs mouvements ? Ce ne sera pas facile à trouver. Je cherche un plan pour sauver les Achéens. » répondit Agamemnon. Ce qu'Hector a fait aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu faire par aucun homme. Le mal qu'il nous a fait, nous ne l'oublierons pas de sitôt. J'ai peur que nos hommes ne nous restent pas fidèles longtemps s'ils doivent continuer à souffrir comme ça. Écoute, cours le long des navires et va chercher Ajax et Idoménée. Et partout où tu passes, dis aux hommes de se tenir éveillés et traite-les bien, ne leur parle pas avec morgue. Moi, je vais aller voir Nestor. Je lui demanderai de venir au poste de garde et de parler avec les soldats. En lui, ils auront confiance. Ménélas partit en courant. Et Agamemnon alla à la tente de Nestor. Il le trouva étendu sur une couche molle. Près de lui, il gardait ses armes, son bouclier, ses deux lances, son casque éclatant. Car il était vieux, mais il ne s'était pas laissé fléchir par la vieillesse. Et il combattait encore. « Qui es-tu là dans le noir ?» dit Nestor en levant la tête. « Ne t'approche pas, dis-moi qui tu es. »« C'est Agamemnon, Nestor. Je reste là, à marcher dans la nuit, parce que le doux sommeil ne descend pas sur mes yeux. La pensée de la guerre et les souffrances des Achéens me tourmentent. J'ai peur pour nous, Nestor. Mon cœur bondit hors de ma poitrine et mes jambes tremblent. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi au poste de garde ? Allons vérifier qu'ils veillent comme ils doivent. Les ennemis sont si proches, ils pourraient nous attaquer à nouveau cette nuit. » Agamemnon, glorieux fils d'Atrée, seigneur des peuples, pourquoi as-tu peur ? Lui répondit le vieil homme. Hector ne pourra pas toujours vaincre. Et je te dis même qu'il endurera des souffrances encore plus grandes que celles qu'il nous a fait endurer aujourd'hui. Nous avons simplement à attendre qu'Achille revienne dans la bataille. Viens, allons au poste de garde. Réveillons aussi les autres, Diomède, Ulysse, Ajax. Il s'enveloppa d'un manteau de pourpre, ample et lourd, en laine épaisse, et prit sa lance. Ils allèrent, ensemble, chercher les autres. Ils vinrent chez moi, en premier. « Qui est là, dans le noir? Que cherchez-vous? N'aie pas peur, Ulysse. C'est Nestor, et Agamemnon est avec moi. Lève-toi et viens avec nous. Il faut nous réunir en conseil et décider si nous allons fuir ou combattre encore. » Moi, ils me trouvèrent couché sur une peau de bœuf, mes armes encore sur moi, entouré de mes hommes. « Diomède, réveille-toi! Comment fais-tu pour dormir avec les Troyens qui campent à deux pas de nos navires? Hé, hey, Nestor, tu es vraiment terrible. Tu ne te reposes jamais, toi. Il n'y a donc pas quelqu'un de plus jeune à envoyer réveiller les Achéens les uns après les autres. Tu n'es jamais fatigué, hein ?» Finalement, nous arrivâmes tous au poste de garde. Là-bas, personne ne dormait, tous veillés, en armes. Toujours tournés vers la plaine, ils attendaient de voir arriver les Troyens. Nestor les regarda, tout fier. « Continuez à veiller ainsi, mes enfants, que personne ne se laisse vaincre par le sommeil, et nos ennemis ne pourront pas rire de nous. » Puis il franchit le fossé et alla s'asseoir par terre, dans un endroit dégagé, où il n'y avait pas de corps de guerriers morts. C'était à peu près là où Hector s'était arrêté quand il avait vu descendre la nuit. Nous l'y suivîmes tous, et nous nous assîmes. « Ami, » dit Nestor, « l'un de vous est-il assez hardi et sûr de lui pour pénétrer dans le camp troyen et capturer l'un d'entre eux ou écouter ce qu'ils disent, pour savoir s'ils ont l'intention de continuer à combattre ici, sous nos navires, ou s'ils veulent rentrer se défendre à l'intérieur des murs de leur cité? Si l'un de vous est capable de faire une telle chose et de revenir sain et sauf, grande sera sa gloire parmi les hommes. Tous les princes lui feront de riches présents, et on parlera de son entreprise à tous les banquets, dans toutes les fêtes, à jamais. » « Moi, j'ai le courage et j'ai l'audace, » dis-je. « Je peux réussir. Donnez-moi un compagnon et j'y arriverai. Si nous sommes deux, nous aurons aussi plus de courage. Et deux têtes valent mieux qu'une. » Alors ils s'avancèrent tous. Tous les princes dirent qu'ils étaient prêts à me suivre. Agamemnon me regarda et dit que c'était à moi de choisir. Il dit aussi que je ne devais pas me soucier d'offenser quiconque, et choisir librement, peu importait, si je choisissais quelqu'un d'une lignée moins noble, personne ne s'offenserait. Il pensait à Ménélas, vous comprenez? Il avait peur que je choisisse son petit frère. Mais je répondis, je veux Ulysse, parce qu'il a du courage, et qu'il est rusé. S'il vient avec moi, nous pourrons échapper même au feu et aux flammes, parce qu'il sait se servir de son cerveau. » Il se mit à faire mon éloge, devant les autres. Mais je l'arrêtai. Je lui dis qu'il valait mieux se hâter et partir. Les étoiles avaient fait beaucoup de chemin et l'aube était proche. Ce qu'il restait de nuit, c'était tout ce que nous avions. Nous nous vêtîmes d'armes terribles. À Diomède, Trasimède offrit une épée à double tranchant et un bouclier. Mérion me donna un arc, un carquois et une épée. Nous mîmes tous deux un casque de cuir, pas de bronze. Pas de lueur qui nous trahisse dans le noir. Quand nous partîmes, nous entendîmes dans la nuit le cri d'un héron. Je me dis que c'était un signe divin, et que cette fois encore Athéna, la déesse splendide, était avec moi. Fais-moi revenir sain et sauf, déesse amie, et aide-moi à accomplir une entreprise que les Troyens ne pourront jamais oublier. Nous courions en silence dans la nuit noire comme un couple de lions. Nous allions entre des monceaux de cadavres et des amoncellements d'armes, et des flaques de sang noir. Quand tout à coup, Ulysse me dit « Diomède, tu entends ce bruit? Il y a quelqu'un là, quelqu'un qui vient du camp des Troyens et qui gouverne nos navires. Ne fais pas de bruit. Laissons-le venir et quand il sera plus près, nous lui sauterons dessus, d'accord ?»« D'accord, » dis-je. « Et si jamais il essaie de s'échapper, coupons-lui la route par derrière qu'il ne puisse plus revenir. Repoussons-le loin de chez lui. Allons-y. » Nous laissâmes la route et nous nous glissâmes à travers champs, où c'était plein de cadavres. Et tout de suite, nous vîmes cet homme qui courait, juste devant nous. Nous nous mîmes derrière lui. Il nous entendit et il s'arrêta. Il croyait peut-être que nous étions des Troyens, nous aussi, quelqu'un qu'on avait envoyé pour l'aider. Mais quand nous fûmes à un jet de lance, il comprit qui nous étions. Et il se mit à fuir. Et nous derrière. Comme de chiens de chasse, derrière la proie sans lâcher prise, dans l'épaisseur des fourrés, à suivre une biche ou un lièvre qui s'enfuit. Le problème, c'était que cet homme allait bientôt arriver au mur, droit dans les bras de nos sentinelles. Et ça, pas question, hein. Après toute cette course, je n'allais pas en plus me faire chipper ma proie, ça, non. Alors je me mets à crier, sans cesser de courir. « Arrête-toi, ou je te jure que je te cloue aussi sec avec ma lance. Arrête-toi, ou tu es mort. » Et je projetais ma lance, en visant un peu haut. Je ne voulais pas le tuer, je voulais seulement l'arrêter. Ma lance passe au-dessus de son épaule droite, et lui, il s'arrête. Ce truc, ça marche toujours. Il balbutiait. Ses dents claquaient de peur. « Ne me tuez pas. Mon père paiera n'importe quelle rançon. Il est plein d'or, et de bronze, et de fer bien travaillé. » Il suppliait et pleurait. Il s'appelait Dolon, fils de Mède. Pour moi, je l'aurais tué. Mais comme je disais, Ulysse, c'était celui qui faisait travailler son cerveau. Alors je reste là, et Ulysse se met à l'interroger. « Arrête de penser à la mort, et dis-moi plutôt ce que tu faisais là, à te promener loin de ton campement. Est-ce que tu allais enlever leurs armes aux cadavres ? Ou bien tu es un espion, envoyé par Hector à nos navires pour nous soutirer nos secrets ?» L'autre, il n'arrêtait pas de pleurer. « C'est la faute d'Hector, c'est lui qui m'a trompé. Il m'a promis de me faire présent du char et des chevaux d'Achille, je vous le jure. Et en échange, il m'a demandé de courir à vos navires et de vous espionner. Il voulait savoir s'il y avait des sentinelles pour défendre le camp, ou si vous ne pensiez plus qu'à vous enfuir tous maintenant, ou si vous étiez endormis de fatigue et de douleur à cause de la bataille perdue. » Ulysse se mit à rire. « Les chevaux d'Achille, c'est ça que tu veux ? Rien moins que les chevaux d'Achille ? Bonne chance. Ils ne doivent pas être faciles à maîtriser et à conduire pour un simple homme comme toi. Achille a déjà du mal et lui, c'est un demi-dieu. » Nous le fîmes parler. Nous voulions savoir où était Hector, où il tenait ses armes et ses chevaux, et ce qu'il avait en tête, attaquer à nouveau ou se retirer dans sa ville. Dolon avait peur. Il raconta tout, sans rien cacher. Il nous dit que Hector était en train de tenir conseil, avec tous les sages, près de la tombe d'Ilos. Il nous décrivit le camp et comment étaient déployés les Troyens et leurs alliés. Il les nomma, l'un après l'autre, et nous dit où ils étaient, et qui était réveillé et qui était endormi. À la fin, il lâcha « Arrêtez de me poser des questions. Si vous voulez vous infiltrer à l'intérieur et tuer quelqu'un, allez du côté des traces. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont arrivés et ils sont isolés, le flanc à découvert. Et Rhésos, leur roi, est avec eux. Il combat avec des armes d'or, extraordinaires, merveilleuses à voir, les armes d'un dieu, pas d'un homme. J'ai vu ces chevaux, très grands, très beaux, plus blancs que la neige et rapides comme le vent. Son char est orné d'or et d'argent. Attaquez-le. Et maintenant, emportez-moi à vos navires et enchaînez-moi là-bas, jusqu'à votre retour quand vous saurez si oui ou non je vous ai menti. » Il croyait s'en sortir comme ça, vous comprenez ? Tu crois t'en sortir comme ça, Dolon ? Oublie. Tu nous as dit des tas de choses utiles, merci. Sauf que malheureusement, t'es entre mes mains. Si je te laisse te sauver, sais-tu ce qui va arriver ? Demain, je te retrouve ici à espionner. Pire, je te retrouve devant moi dans la bataille, tout armé et avec dans l'idée de me tuer. Alors que si je t'écrase là, maintenant, demain, rien de tout ça n'arrivera. Et avec mon épée, je lui tranche net la tête. Il parlait encore, avec cette fichue bouche, et il tendait la main vers moi en me suppliant, et moi, avec mon épée, je la lui tranche, sa tête, et je la regarde rouler dans la poussière. Je vois encore, comme si c'était aujourd'hui, Ulysse qui prend ses dépouilles, qui les soulève et les offre à Athéna. « C'est pour toi, déesse prédatrice. » Puis, les suspend à un tamaris, et il accroche autour des roseaux et des branches fleuries pour qu'en revenant, après notre entreprise, nous puissions le retrouver et l'emporter dans le camp, notre trophée. Nous nous mîmes à courir, au milieu des cadavres. avec les armes abandonnées et le sang noir partout. Jusqu'au moment où nous arrivâmes au camp des Troyens. Dolon n'avait pas menti. Ils étaient tous en train de dormir, recrus de fatigue. Leurs armes, ils les avaient posées sur le sol, près d'eux, en bon ordre, sur trois rangs. Chaque guerrier avait gardé près de lui deux chevaux. Au milieu, Rezos dormait. Ses chevaux magnifiques étaient attachés par les rênes à la rampe de son char. Alors Ulysse me dit, « Diomède, regarde-le, c'est lui, Rezos. Voilà les chevaux dont parlait Dolon. Il est temps que tu te serves des armes que tu as apportées. Occupe-toi des hommes, je m'occuperai des chevaux. » Il me dit ça comme ça. Et moi, je lève mon épée et je commence à tuer. Ils dormaient tous, vous comprenez? J'étais comme un lion qui croise un troupeau sans berger et qui se jette au beau milieu, rempli de fureur. Je les tue l'un après l'autre. Du sang partout. L'un après l'autre, 12 j'en tue. Et chaque fois qu'il en meurt un, je vois Ulysse qui le prend par les pieds et qui l'ôte de là. Maintenant, tu vas voir ce cerveau. Cet homme-là, il déplaçait les cadavres. Il les cachait, parce qu'il avait déjà pensé aux chevaux de Rezos. Eux, ils venaient tout juste d'arriver à la bataille. Ils n'avaient pas l'habitude des cadavres et du sang. Et alors, lui, il débarrassait le chemin pour pouvoir les emmener sans qu'ils deviennent nerveux à se retrouver avec des morts dans les sabots ou le rouge du sang dans les yeux. Bon, pour finir, j'arrive devant Rezos. Il était en train de dormir et il rêvait. Il avait un cauchemar. Il parlait, il remuait. Moi, je crois qu'il rêvait de moi. J'en suis sûr. Il était en train de rêver de Diomède, fils de Tidée, petit-fils de Né. Et son rêve l'a tué. Avec mon épée, je l'ai tué. Pendant qu'Ulysse détache les chevaux aux sabots solides et qu'il les pousse en les frappant avec son arc, parce qu'il n'avait pas de fouet, rien pour les faire avancer. Fallait qu'il se serve de son arc. Tu imagines? C'est avec ça qu'il les fait aller. Puis il me siffle de loin, parce qu'il veut qu'on parte de là, le plus vite possible. Et il me siffle, mais moi, je sais pas, il y a le char fantastique de Rezos, tout d'or et d'argent. Je pourrais le prendre par le timon ou le soulever. Je pourrais. Mais Ulysse m'appelle. Si je reste, je vais encore devoir tuer. Il n'est pas dit que j'en sortirai vivant, mais je voudrais bien tuer, tuer, encore tuer. Je vois Ulysse qui saute sur un cheval, accru. Il tient toutes les rênes dans sa main. Il me regarde. Et au diable, char, au diable les traces. Filons de là avant qu'il soit trop tard. Je rejoins Ulysse au pas de course, je saute en croupe sur son cheval, et nous partons, lui et moi, très vite, vers les navires rapides des Danaïens. Quand nous revînmes à l'endroit où nous avions tué cet espion, cet homme appelé Dolon, j'arrêtai les chevaux. Diomède descendit, prit ses dépouilles ensanglantées et me les passa. Puis il remonta à cheval et nous galopâmes jusqu'au fossé et au mur et à nos navires. À notre arrivée, tous se pressèrent autour de nous. Ils criaient, ils nous prenaient les mains. Ils voulaient savoir. Nestor, le vieux, on voyait bien qu'il avait eu peur de ne plus jamais nous revoir. Ulysse, raconte-nous. Où avez-vous pris ces chevaux? Vous êtes allé les voler aux Troyens ou c'est un dieu qui vous les a offerts? Ils ressemblent aux rayons du soleil. Vraiment, moi qui suis toujours au milieu des Troyens, parce que je ne reste pas sur les navires à attendre, tout vieux que je suis. Eh bien, je n'ai jamais vu de chevaux comme cela dans la bataille. Et je racontais, parce que c'est mon destin. Et je n'oubliais rien. L'espion, Rezos, les 13 hommes tués par Diomède, les chevaux magnifiques. À la fin, nous rentrâmes tous de l'autre côté du fossé et j'accompagnais Diomède à sa tente. Nous attachâmes les chevaux à la mangeoire, à côté de ses chevaux, et nous leur donnâmes à manger du froment doux. Puis nous nous jetâmes dans la mer, lui et moi, dans l'eau pour laver le sang et la sueur, sur les jambes, les cuisses, le dos. Et quand le flot de la mer nous eut lavés, nous entrâmes dans les baignoires bien polies pour nous reposer et rafraîchir notre cœur. Lavés et oints avec de l'huile d'olive, nous nous assîmes au banquet, enfin, en buvant du vin doux. Cet espion, ses dépouilles ensanglantées, Ulysse les accrocha à la poupe de son navire. « C'est pour toi, Athéna, déesse prédatrice. » Mon nom est Patrocle, fils de Ménétios. Il y a des années, pour avoir tué un garçon comme moi, je dus quitter ma terre. Et avec mon père, j'arrivais à Phti, où régnait Pélée, sage et fort. Le roi avait un fils. Il s'appelait Achille. D'étranges légendes circulaient sur lui, qu'il avait pour mère une déesse, qu'il avait été élevé sans connaître le lait de femme, nourri seulement d'entrailles de lion et de moelle d'ours, qu'il serait le guerrier sans lequel Troie ne serait jamais conquise. Aujourd'hui, ses os sont mêlés aux miens, ensevelis dans l'île blanche. Sa mort lui appartient. La mienne commença quand se leva l'aurore, après la nuit où Ulysse et Diomède avaient volé les chevaux splendides de Rhésos. Dans cette première lueur du jour, Agamemnon déploya l'armée pour la bataille. Il ordonna que les auriges tiennent les chars en deçà du fossé, rangés en bon ordre, et que les guerriers, à pied, le traversent et se mettent en formation de guerre sur l'autre bord. Dans la plaine face à nous, je voyais les Troyens se serrer autour de leur commandant. Je me souviens d'Hector. Il apparaissait et disparaissait au milieu de ses soldats, comme une étoile, brillante, entre les nuages d'un sombre ciel nocturne. Elles s'élancèrent, les deux armées, l'une contre l'autre. Les hommes avançaient, sans peur et sans penser à la fuite, avec le calme inexorable de milliers de moissonneurs qui suivent avec ordre le sillon de la terre et fauchent ce qu'ils trouvent sur leurs pas. Tant que dura l'aurore, tombèrent les hommes et brillèrent les armes, sans qu'aucune des deux armées ne l'emporte sur l'autre. Mais quand la lumière du soleil se détacha de l'horizon, alors les Achéens, brusquement, rompirent les rangs des Troyens. Agamemnon les entraînait à sa suite, avec une vigueur jamais vue, comme si ce jour était son jour de gloire. Là où l'affrontement était le plus serré, il se lançait, et derrière lui accouraient les Achéens, moissonnant les têtes des Troyens. Les fantassins tuaient les fantassins, les cavaliers tuaient les cavaliers, et galopaient les chevaux à la tête fière, tirant des chars vides et pleurant leurs auriges qui maintenant gisaient à terre, plus aimés des vautours que de leurs épouses. Agamemnon les repoussa jusqu'à la tombe d'Ilos, au milieu de la plaine, les Troyens, puis encore plus loin, en les chassant devant lui jusque sous les remparts, devant les portes C. Il les poursuivit jusque-là, en courant et en criant, les mains souillées de sang. Ils fuyaient, les Troyens, et ils ressemblaient à des vaches affolées qui auraient senti l'odeur du lion. Hector dut sauter de son char et se mettre à crier pour encourager les siens à la bataille. Ils s'arrêtèrent quelque temps de fuir et se rangèrent de nouveau, en ordre, pour se battre. Les Achéens resserrèrent leurs lignes. Les deux armées étaient de nouveau face à face, à se regarder dans les yeux. Une fois encore, le premier à se lancer à l'attaque fut Agamemnon. Qui marcha contre lui fut Iphidamas, fils d'Anténor, grand et valeureux, élevé dans la fertile terre de Thrace. Agamemnon jeta sa lance sur lui, mais manqua son coup, et la pointe de bronze alla finir dans le néant. Alors Iphidamas, à son tour, empoigna sa lance et se jetant sur Agamemnon le frappa. La pointe se glissa sous la cuirasse et se planta dans la ceinture. Agamemnon alors empoigna à deux mains la lance et, furieux comme un lion, l'arracha à Iphidamas. Et quand il l'eut ainsi désarmé, il prit son épée et il le frappa juste là, sous le cou, et lui ôta la vie. Ainsi tomba l'infortuné et il s'endormit d'un sommeil de bronze. Il y avait son frère, non loin de lui, son frère aîné. Il s'appelait Coon. Il vit Iphidamas tomber et une douleur terrible lui voila les yeux. Alors il s'approcha d'Agamemnon, mais sans se faire voir, et le frappa avec sa lance par surprise, juste sous le coude. La pointe brillante de l'arme perça la chair de part en part. Il frémit, Agamemnon, mais ne s'enfuit pas. Il vit Coon en train de traîner à l'écart le corps de son frère, en le tirant par les chevilles, et il se jeta sur lui, et avec sa lance, d'un coup sous le bouclier, le transperça. Coon s'écroula par-dessus le corps de son frère. Et là, au-dessus de lui, Agamemnon lui releva la tête et d'un coup d'épée la lui trancha. Ainsi, les deux fils d'Anténor, l'un près de l'autre, accomplirent leur destin et descendirent dans la demeure d'Hadès. Agamemnon, lui, continua de combattre au milieu de la mêlée, mais sa blessure saignait et la douleur devenait de plus en plus insupportable. À la fin, il appela son aurige pour le secourir et, montant sur son char, lui ordonna de pousser les chevaux vers les nefs creuses. Avec l'angoisse au cœur, il cria encore aux Achéens, de toute la force qui lui restait, « Combattez pour moi et défendez nos navires !» Puis l'aurige fouetta les chevaux aux belles crinières et d'un seul élan, ils volèrent, le poitrail couvert d'écume et souillé de poussière. Ils volèrent en emportant le roi blessé loin de la bataille. Troyens, il est parti, celui qui aujourd'hui était le plus fort, se mit à crier Hector. Maintenant, c'est à nous de recueillir notre gloire. Poussez vos chevaux et lancez-vous contre les Achéens. Le plus grand des triomphes nous attend. Et il les entraîna tous derrière lui, se lançant dans la lutte comme un vent d'orage qui s'abat sur la mer violette. C'était impressionnant à voir. Les têtes des guerriers Achéens roulaient, l'une après l'autre, sous son épée. Roulaient les têtes comme roulent les vagues énormes dans la tempête quand bouillonne haut dans les airs l'écume de la mer sous le vent impétueux. C'était la fin. Ça ressemblait à la fin pour nous. Homère, Iliade, d'Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Quentin Dolmer, Charif Gattaz, Hector Manuel et Nora Krief. Musique originale Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation Claire Chéneau. Réalisation Cédric Aussire.